Daniel Auteuil et Pauline Lefebvre sont nos invités. C'est déjà dit, merci Nagui. Ouais. Toute voilà. Bonne émission. Bon yoga, ouais. C'est ça. Il est 11h sur France Inter. Le Flash, Laetitia Gaillet. C'est un radiologue sur place qui l'affirme. Un hôpital d'Alep a été la cible de bombardements ce matin. Il s'agit d'un hôpital situé dans un des secteurs tenus par les rebelles. Mohamed Abou Rajab, le radiologue en question, parle de raids aériens. Des gravats sont tombés, dit-il, sur des patients de l'unité de soins intensifs. Les quartiers d'Alep tenus par les rebelles sont assiégés par les forces du régime, appuyées par Moscou. Si Alep tombe, ses habitants risquent le massacre, a dit hier le chef des casques blancs syriens lors d'une tournée à New York et Washington. Il souhaite sensibiliser l'ONU et les États-Unis au sort des bénévoles de la défense civile syrienne. C'est une organisation humanitaire qui se veut apolitique et qui participe au secours dans les zones tenues par l'opposition syrienne. Pour le pape François, les responsables des bombardements en Syrie devront rendre des comptes devant Dieu. Une cellule djihadiste démantelée entre l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. 5 personnes ont été interpellées. Le groupe utilisait les réseaux sociaux pour faire la promotion du groupe État islamique. Il est soupçonné, ce groupe, d'avoir commandité des attentats, d'avoir œuvré à la radicalisation et servi d'intermédiaire dans les campagnes de recrutement des terroristes. C'est un livre règlement de compte qui n'a pas d'intérêt. Patrick Buisson a atteint un point de non-retour. La réaction ce matin de Laurent Wauquiez à la publication donc du livre de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson est tombé en disgrâce après avoir enregistré ses conversations avec Nicolas Sarkozy. Et dans son livre qui sort demain, il présente un Nicolas Sarkozy comme un trader de la politique et un court-termiste, je cite ces termes. Pour Laurent Wauquiez, la haine l'a emporté sur la vérité. Le président par intérim qui fut conseillé aussi par Patrick Buisson affirme lui pour sa part aujourd'hui qu'il ne l'a pas vu depuis plus de 2 ans. Pour solde de tout compte, dans le scandale des subprimes, la banque britannique RBS annonce ce matin avoir conclu un accord avec la National Credit Union Administration aux États-Unis. RBS va payer 1,1 milliard d'euros d'amende. Cette somme servira à solder une partie des poursuites engagées contre elle dans le cadre du scandale des prêts immobiliers toxiques. Le moral des ménages est resté stable en France au mois de septembre. D'après l'INSEE ce matin, ils sont plus optimistes, ces ménages, sur leur capacité financière, mais ils redoutent une augmentation globale des prix. Autre indicateur donné cette fois par le ministère du Logement, les mises en chantier de logements neufs ont augmenté sur la période juin-août, plus 5,7% par rapport à la même période l'an dernier. La fusion des deux leaders mondiaux de la bière est en marche. Les actionnaires du numéro 1 mondial, AB InBev, ont donné leur accord ce matin lors d'une assemblée générale à Bruxelles. Oui donc à l'acquisition du numéro 2 du secteur, le britannique Sab Miller. On attend maintenant le vote des actionnaires de Sab Miller à Londres pour cette méga fusion. Si les deux sont donc d'accord, la fusion sera effective le 10 octobre prochain. Et alors là, les marques Corona, Stella Artois, Leff ou encore Budweiser engloutiront Foster et Coors. Autre conséquence, la suppression de 5 500 postes d'ici 3 ans. AB InBev et Sab Miller emploient à eux deux 220 000 personnes dans le monde. Et puis, petite rectification, mais de taille. Monaco a fait match nul hier soir en Ligue des Champions. 1-1 contre le Bayer Leverkusen. Mea culpa, je n'ai retenu que le but de Monaco à la dernière minute de jeu. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Le vendredi soir sur France Inter, j'entends les gens qui s'installent à partir de 21h. Ça s'appelle Foule Sentimentale. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Ils sont la grande révélation électro de l'année. Le groupe Synapson, l'histoire de deux potes qui ont réussi à envahir les pistes de danse en ressuscitant la voix du grand chanteur burkinabé Victor Démé. Au studio 105, le groupe Synapson jouera en live avec beaucoup d'invités, dont Anna Kova et Benjamin Diamond. Pour assister à l'enregistrement de l'émission ce mercredi, réservez dès maintenant vos places sur maisondelaradio.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Aquarius, de Kleber Mendoza Filho, en compétition au Festival de Cannes. Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? À Recife, au Brésil, Clara vit dans un vieil immeuble, l'Aquarius. Não teve nem curiosidade de saber o que era. Non. Lorsqu'un promoteur veut racheter son appartement, elle refuse et entre en guerre contre la société immobilière. Oh, minha gente, o que é isso aí? Aquarius, un film sur le Brésil d'aujourd'hui, actuellement au cinéma, un film France Inter. Et c'est sur France Inter aussi, la bande originale avec Nagui. Donc en fait, pour les bières, vous vous trompez pas, mais pour le foot, oui. C'est pas normal, ça, Laetitia. Ben, c'est... naturel. C'est très désagréable. C'est très désagréable. Moi, je vous soutiens. Moi, merci. Je vous soutiens. Mais heureusement qu'il y a Leïla là-dedans. Je trouve qu'à choisir... c'est la bière. Voilà. C'est la, ça. La Ligue des Pocherons. Le nom, ouais. J'ai l'impression que c'était la liste des courses de Daniel Morin, ce que vous avez énuméré tout à l'heure. C'est quoi, hein? Toutes les marques de bière possibles, imaginables. Elle a tout balancé. Moi, tu ne vois pas une goutte. Bon, on va vous croire et puis on va vous laisser tranquille. Hein. Mais non, on est bien là. Et on va vous... n'a pas d'invité, donc restez. C'est surtout ça. Question meublée. Et on va vous retrouver, Laetitia, ça sera tout à l'heure, à midi pour les infos. Merci. On a meublé au moins une minute. Là. C'est la bande originale. La bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kalamoudani. Bravo. Bonjour à tous. Avec Tom Villa. Oui. Pierre-Emmanuel Barré. Monsieur Daniel Morin. Bonjour et merci. Bonjour. Et notre invité, nos invités sont Pauline Lefebvre et Daniel Auteuil. Bravo. Très belle imitation de Pauline. Je fais Pauline, oui. T'aimes bien. Bonjour. Vous êtes chic, Daniel. Oui, alors voilà, je suis pas en retard. Non, vous êtes ponctuel même. Oui, je suis même ponctuel. En fait, ça se jouait à 3 minutes près parce que j'ai hésité sur une cravate. Fallait prendre l'autre. Voilà. Je suis ravi d'être là, en tout cas. Un triomphe. Nous aussi, on est ravi de vous accueillir pour fêter la reprise de ce triomphe au Théâtre de Paris, l'envers du décor. Plus de 100 000 spectateurs. Je ne pensais pas que ce soit des chiffres atteignables au théâtre. Oui, c'est dingue, ça. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Je sais bien. Mais moi aussi, figurez-vous, je suis le premier. Oui. Non, c'est-à-dire que quand on pense qu'il y a des films qui ne les font pas, les 100 000 entrées, et que là, en une salle, c'est beau. Et c'est pour ça qu'on reprend, si vous voulez, parce que quand on a un succès comme ça, on n'a pas le droit de bouder son plaisir, quoi, je veux dire. Et puis de décevoir ceux qui n'ont pas pu venir, voilà. Et qui ont envie d'y aller, d'autant que le casting a changé. C'était Isabelle Gélinas qui vous a rejoint maintenant. Valérie Bonneton en avait marre de votre harcèlement. On peut applaudir Pauline Lefebvre. Voilà. Elle a tout donné. Elle a l'habitude de faire des entrées, d'avoir son moment, et elle a eu son moment. Tom Villa, avez-vous bien compris pourquoi Pauline Lefebvre et Daniel Auteuil étaient nos invités? Évidemment, il y en a un des deux, c'est pour son physique de rêve, et l'autre, c'est Pauline Lefebvre. Vous venez nous voir pour la pièce L'envers du décor, qu'entame sa deuxième saison. Alors, le pitch de la pièce, Daniel, vous jouez le rôle de Daniel, qui est marié à Isabelle, joué par Isabelle Gélinas. Daniel qui fait Daniel, Isabelle qui joue Isabelle, c'est bien, le tout au Théâtre de Paris à Paris. Voilà, on ne sait pas casser le cul. Qui c'est qui produit? Ça doit être Jean-Michel producteur. Voilà. Donc, le pitch, Daniel et Isabelle reçoivent à dîner leur ami, Patrick, qui vient de quitter sa femme pour la jeune et jolie Emma, jouée par vous, Pauline Lefebvre. C'est n'importe quoi cette pièce. Hein, depuis quand les maris quittent leur femme pour leur maîtresse? Faites gaffe, vous êtes en train de donner beaucoup d'espoir à toutes les maîtresses de Paris. Ça, c'est pas bien du tout. L'envers du décor, c'est une pièce de Florian Zeller. Appelé dans le milieu, la machine à écrire. Hein, c'est la machine de guerre plutôt. Il en prend combien par an? C'est impressionnant. Que des succès. Et vous savez que c'est l'auteur francophone le plus joué dans le monde entier. En plus, il n'y a pas que la France. Oui. Il est joué dans le monde entier. Impressionnant. Plus qu'Eric Emmanuel Schmitt. Ah oui, beaucoup plus. Chaque année, si vous permettez que je continue. Excusez-moi, oui. Chaque année, non, mais chaque année, c'est impressionnant quand ça revient. C'est vrai, écrire une pièce pour Zeller, c'est comme, je sais pas, faire l'amour avec Pierre-Emmanuel pour une fille, c'est 3 minutes douche comprise. C'est impressionnant. En tout cas, dans le. Alors, dans la pièce, au début. L'information, c'est que tu douches maintenant. Ça, mais avant. Dans la pièce, au début, tout le monde est plutôt content de se voir, sauf que tu balances une nana jolie entre un vieux couple, ça a le même effet que de balancer Marine Le Pen dans une mosquée. Il n'y a pas à dire, ça met une mauvaise ambiance. Oui, déjà, même là. Tu vois. Non, forcément, Daniel se demande si lui aussi pourrait pas pécho une petite jeune. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours les autres qui croquent. Et puis Isabelle se demande si Daniel pourrait pas lui aussi se barrer pour une nana plus jeune. Pas besoin de faire une pièce, hein. La réponse est oui, dans les deux cas. La particularité de la pièce, c'est les apartés avec le public où on entend vos pensées. Alors évidemment, le décalage humoristique de cette méthode est de dire blanc et de penser noir, comme un mythique du Front National. Mais moi, j'aimerais tellement que les animateurs et journalistes nous disent la vérité quand ils reçoivent un invité à la télé. Ça, Michel Drucker. Que l'on entende des pensées. Mais oui, Michel Drucker, par exemple. Il faudrait qu'il y ait des pensées. Michel Drucker, c'est le premier à nous dire, par exemple. C'est le plus grand film de sa carrière. Applaudissez Daniel Auteuil. Alors qu'on aimerait tellement qu'il nous dise des fois, Michel. Il a fait ce film pour payer ses impôts. C'est Daniel Auteuil. Non, mais c'est vrai. Même Nikos Aliagas, quand il fait The Voice, on aimerait qu'il nous dise la vérité. Salut les lots, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Ce soir dans The Voice, des coachs qui ont tous une voix exceptionnelle. Il y aura aussi Jennifer, mais je vous rassure, elle chantera pas. Et même vous, Nagui, des fois, j'aimerais que vous nous disiez la vérité, je vous assure, ça ferait du bien. Ce soir dans Taratata, il y aura beaucoup d'artistes. Chamani, Julia Claire, Kali, Mani. Et aussi des artistes moins bons, on va pas se mentir. Mais comme ils font de l'audience, on a décidé de les recevoir quand même. Non, mais c'est vrai, ça serait génial. Bon, après tout ça, c'est dans un monde idéal. Ah, j'aimerais tellement. Je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous... Non, je crois pas. Mais si, pas, si non, voilà. Non, pas ce qu'il y avait sur votre contrat. Je sais pas si toutes les vérités sont bonnes à dire. N'oubliez pas en tout cas qu'elles sont toutes bonnes à entendre. Au Théâtre de Paris particulièrement. Bonne Absolument. Journée. Merci, bravo. C'était un peu long comme pitch, mais c'était génial. Hein. Non, mais vraiment, on devrait garder pour pitcher la pièce. Mais c'était un peu long, mais ça a le mérite d'être clair, parce que c'est vrai. Je sais pas que si c'était vraiment tout clair, mais non, le, si le point de départ du dîner organisé, un détail important. Votre épouse ne veut pas que ce dîner se fasse. C'est contre la vie. Oui, de surtout, votre surtout mon ami. Par amitié. Oui, c'est sa meilleure amie qui a été quittée pour cette jeune femme. Donc, si vous voulez, elle solidarité dans un premier temps, oblige. Elle refuse absolument de recevoir ce mon ami avec cette nouvelle femme à dîner, mais après, elle se demande si je serais capable de faire la même chose. Et elle dit non, c'est pas possible, parce que vu le personnage, elle a vraiment confiance en moi. Mais quand même, elle a un petit doute, et c'est pour ça qu'elle organise ce dîner, voilà. François-Éric Gendron joue justement votre pote qui revient avec sa nouvelle maîtresse, incarnée par Pauline Lefebvre. Pauline, ça a été et ça reste une aventure incroyable, ce qui se passe, parce que se retrouver au théâtre avec ce casting, ça a été une évidence pour Daniel que ce soit moi qui dois interpréter Emma. Oui, puisque vous aviez joué ensemble au cinéma, et c'est là où vous l'aviez repéré. Oui, c'est ça, je l'avais repéré en culotte et soutien-gorge, et surtout si je tiens à le dire. Il fallait deux choses. Une culotte, une gorge. Il fallait absolument un physique exceptionnel et une actrice, une très bonne actrice, originale, drôle, et qui apporte un souffle nouveau comme ça. Elle avait les deux. Donc c'était tout à fait normal que ce soit elle. Une perle rare, très bien. Mais c'est un gros morceau, effectivement. De vous parlez de qui en face de Paris. Un gros morceau, tout. Le Théâtre de Paris, Daniel Auteuil, Isabelle, c'est ce qu'on dit, tout. Ouais. C'est vraiment. C'est j'ai encore dit un truc que j'aurais pas dit. On l'appelle le gros morceau. Mais non, dans ce métier, c'est comme ça. Non, mais pour répondre à la question, parce que j'ai réussi à esquiver sur Daniel, mais en fait, je voulais quand même répondre à cette question, que c'était effectivement un truc incroyable. Mais c'est votre première pièce de théâtre. C'est pas une expérience incroyable. Oui, j'ai joué au Point Virgule il y a quelques années, un soir par semaine, dans l'indifférence la plus totale à part les copains. Oui. C'est la première fois que je te vois au réveil. Mais c'est pas vrai. Ça te va bien. Si, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai appris. Vive la radio. Et non, mais c'est. Vous savez filmé. Vous savez que vous êtes à l'antenne, là. On entend ce que vous dites, surtout. Ah d'accord, mais c'est de la radio, c'est bien ça. C'est de la radio. Non, mais effectivement, c'est quelque chose de C'est votre première, entre guillemets, pièce, mise en scène par Daniel Auteuil. Alors, comment... Il y avait des gens dans la salle, c'est vrai qu'il y a des gens dans la salle. Il n'y a pas des chauffeurs de salle, il n'y a pas un public qui est différé quand on est au cinéma. Là, il y a 1200 personnes quand la salle est pleine, mais il y a globalement... Et la réaction immédiate. Ouais, et ça, c'est incroyable. C'est une Est-ce que après folie. Avoir joué devant 100 000 spectateurs et faire une deuxième saison au théâtre, parce que je crois que c'est un phénomène quand même relativement rare et important, surtout par les temps qui courent, parce qu'il faut quand même préciser que malheureusement, les pièces de théâtre toutes subissent moins 25, moins 30% de fréquentation, parce que on a moins soit les moyens, soit l'humeur pour sortir au théâtre. Au Théâtre de Paris, ce n'est pas le cas. Est-ce que le fait de se retrouver devant ce public, et surtout avec le metteur en scène et le comédien, même si vous l'aviez déjà fréquenté au cinéma, qui reste quand même l'un des acteurs cultes de notre cinéma et de notre théâtre, le début. On a répété longtemps, hein, ceci dit, avant la première session au théâtre. On a répété deux mois, ce qui était assez intense. Mais tout seul, enfin tous les quatre, et avec Annette qui est la répétitrice, enfin l'assistante de Daniel. Donc c'était sympa. On était entre nous. Puis un jour, on s'est retrouvés au théâtre dans le décor. C'était sympa aussi. Puis un jour, il y a eu des gens dans la salle, quelques copains bien intentionnés. Puis un jour, il y a eu un vrai public. Et c'est vrai que là, ça monte en pression. Comme vous le racontez, on a l'impression que c'est une petite fille qui va à Disneyland, c'est-à-dire que ça reste quelque chose de dingue. C'est un peu ça en fait. Non mais imaginez-vous Nagui, vous retrouvez avec Daniel Auteuil, alors elle n'est plus du tout impressionnée maintenant, elle fait la fille qui était très jeune. Mais alors c'est vrai. Est-ce que vous avez vu All About Eve, ce film là, au début là, s'il vous plaît, monsieur Auteuil, je suis tellement ça, et après elle te parle comme une merde. La flatterie, ça marche toujours pour mettre les gens derrière la poche. Non, mais c'est vrai que c'était un peu... Voilà, au début, ça va mieux. Alors le principe de la pièce, quand même, c'est... Le ressort comique, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Tom, avec une très belle émission de Nikos Aliagas. Hein, tu m'as bluffé, c'est pas émission, c'est imitation. Imitation, pardon. C'est pas vraiment l'eau. Voilà. Et c'est cette idée d'entendre ce que les personnages pensent, et ainsi mettre le spectateur au cœur de la pièce, parce que c'est ça l'effet produit. Avec, on avait le système de l'aparté, et là, on a un système doublé, aparté plus confession directe avec le spectateur. J'imagine que ça, en termes de rythme, c'est la partie la plus difficile à mettre en scène, Daniel Auteuil. Absolument, c'est la partie la plus difficile. Il faut très très vite que le public ait les codes de ça. Alors, la partie traditionnelle, ça fait 2000 ans que ça existe, je veux dire que... Et puis Molière l'a bien fait, tout ça. Mais là, c'est poussé à son paroxysme. Alors, il y a deux pièces dans la pièce, si vous voulez. Il y a effectivement le langage courant, comme ça. La pièce est mise en scène par une espèce de voilà, on parle normalement. Et puis, ces pensées qui doivent tout de suite être claires pour le public, et tout de suite, le public est mis en complicité. C'est-à-dire que il y a une forme... On joue à ce moment-là avec le public, quoi. Il comprend très vite. Et... Le public a quoi? Un train d'avance sur les autres comédiens? C'est ça, la force? Oui, c'est ça, il sait à l'avance ce qui va se passer. Et en rythme, comment on fait? Parce qu'il y a à la fois, vous distinguez ces deux parties, il y a la partie jouée avec les acteurs, la situation à la maison, le dîner, et ensuite il y a les interactions avec le public. Et comme la comédie est quand même basée sur cette notion de rythme très très précise, on vient casser le rythme d'une certaine façon en s'adressant au spectateur, et après il faut relancer la machine. Oui, c'est ça qui est assez vertigineux, excitant et nouveau, quoi, dans ce spectacle, et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à se lasser et qu'on se surprend tout le temps. Quoi. Oui, parce que le dîner en lui-même est particulièrement ennuyeux. Quoi. Oui. Donc heureusement, on n'est pas juste sur le dîner. C'est un dîner où il ne se dit rien. Que de temps en temps, des lieux communs, des trucs. Comme ça arrive souvent. Oui, ça arrive. Nous qui pensons, et puis parfois, moi qui... Je pense tellement fort en regardant Pauline qu'il m'arrive, si vous voulez, même de parler haute voix. Quoi. Donc ça crée des malaises. Et surtout, elle réveille votre démon de... De 14h. midi 20. Non, mais elle vous donne l'idée d'aller voir ailleurs, l'envie. Elle donne l'envie. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui va tout, qui va jamais tromper sa femme, mais qui, pendant le temps d'un dîner, va se projeter tellement très fort et très haut qu'il a l'impression de tout vivre. Et il vit tellement tout dans son imaginaire qu'à la fin, il est épuisé, qu'il est très content de rester chez lui. Et jaloux de Gendron. Qu'il le prenne pas mal, je le dis avec beaucoup de respect, dans ce côté vieux beau, sûr de lui, je ne pense pas que ça lui plaira. Oui, je sais. C'est pour ça que je me suis excusé avant. Mais dans la pièce, avant. Il incarne quand même un mec d'un certain âge. Voilà, il fait Playboy qui va chercher la petite jeune. Quoi. Mais je suis plus jeune que lui dans l'histoire. J'ai 6 mois de moins que lui. Ce qui vous énerve encore plus. Non, j'ai 6 mois de moins que lui et j'en tire vraiment. Je pense que si vous voulez, c'est pour une question d'endurance, 6 mois de moins, on y gagne. Et Pauline me dit, mais pas du tout. Je vous assure, il a beaucoup d'endurance. Et ça m'énerve encore plus. Ouais. Mais c'est une pièce un peu sur la manipulation des femmes, enfin des hommes par les femmes. En tout cas, c'est ma petite analyse à moi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment... Les deux femmes sont finalement les gagnantes de l'histoire. Bah, elles ont un train d'avance, un peu comme le public, sur ce que pense leur mec. Alors évidemment, elles ne savent pas tout ce que pense leur mec. Mais moi, je pense que... Elles savent comment faire en sorte que leur mec va penser ce qu'elle pense avant eux. Enfin, vous savez, un peu la technique dans la vie, en fait, de ne pas dire à un mec quoi faire, mais lui faire penser lui-même qu'il devrait faire ça, que ce soit sa propre idée. Qu'il trouve tout seul. Voilà, ça c'est tout seul. Sinon, après, ça le... Voilà. Elle est vraiment faite pour le rôle. Oui, elle est faite pour le rôle. Et ça, c'est le principe de la mise en scène. C'est-à-dire, c'est donner l'impression aux acteurs, si vous voulez, qu'ils ont trouvé tout seul ce qu'ils viennent penser. Quel grand gourou aussi, c'est Daniel Auteuil. C'est clair. Ça s'appelle l'envers du décor. c'est au Théâtre de Paris, 100 000 spectateurs voilà. déjà. Et vous ? Eh ben allez-y, ça recommence gaiement avec Pauline Lefebvre, François-Éric Gendron, Isabelle Gélinas, Daniel Auteuil. Et vous, c'est tout. C'est du mardi au samedi. Non, aussi, ma question c'était et les matinées. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous jouez deux fois ? Oui, le samedi nous jouons deux fois. Mais c'est pas juste. Oui, mais on fait un petit pique-nique dans la loge entre les deux, c'est très agréable. D'accord. Je croyais qu'il y avait le dimanche aussi. Vous ah oui, dimanche aussi à 15h. Oui. Donc en fait, vous jouez tous les jours sauf le lundi. Sauf le lundi. C'est ah oui, d'accord. Lundi, okay. Si vous voulez, on est sous perfusion. Lorsque nous avons annoncé à Leïla que Pauline Lefebvre et Daniel Auteuil étaient nos invités, vos oreilles ont sifflé, Leïla. Et oui, et immédiatement, j'ai entendu la voix d'un grand méridional. On écoute. En pensant à mes parents, j'ai découvert tout à coup que c'était des enfants. Oh. Ils avaient été très très très jeunes. Ce qu'on ne suppose jamais, n'est-ce pas ? Mon père avait 25 ans de plus que moi, et toute ma vie a été un vieillard pour moi, au fond. Et maintenant, je pense que c'était vraiment un très jeune homme, et qu'il aurait eu grand besoin des conseils que je ne suis capable de lui donner qu'aujourd'hui. Voilà, je pense à vous, Daniel Auteuil, et j'envoie la voix de Pagnol, qui parle ça, de son père. Ça. Et toujours, tout le temps, quoi qu'il écrive, quoi qu'il dise, il y a toujours ce fond d'humanité... bouleversant qui fait que ce type a eu ce succès international, quoi. Je veux dire, parce que ce qui est fort, c'est qu'il a la voix. Ouais. C'est la merci pour le document. Il a la voix de ses sentiments et de sa profondeur. C'était en 58. Très touchant. C'était en 58 et forcément il y a un lien direct avec vous parce que la famille Pagnol voulait un acteur qui avait un peu l'accent du Sud. Même carrément, oui. Totalement l'accent du Sud, c'est pour ça que c'est vous, Daniel Auteuil. Ça tient un peu de choses. Hein. Ouais. Et le premier film que vous avez réalisé, c'est. Ouais. C'est Pagnol. C'est Pagnol, donc oui, a... c'était normal, quoi. C'était dans la lignée. C'est écrit. Voilà. Mais je veux pas, là, parce qu'il faut pas arrêter de la. Ah non, de lui couper la parole. Ah non, allez-y, c'est non, à vous de parler. Non, c'est toi, c'est à toi que j'adore ça. Ah, ça. C'est à toi que je parle. D'accord. Mais quand je pense à vous, Pauline, parce que je pense aussi à vous, j'entends une voix de femme, un être hybride, à mi-chemin entre l'homme et la femme. Quand je travaillais chez Roussel, les bonnes et vertueuses femmes du lieu ont voulu me chasser de la ville. Je leur ai réglé leur compte à ma façon et je n'ai pas quitté la ville coiffée à la Ninon et marquée par leur cravache. J'ai sauté du bar au milieu d'elles et avant qu'elles puissent dire « ouf », les voilà toutes à hurler. J'ai coupé les vieilles boucles noires d'une de ces garces, leur ai flanqué des coups de cravache sur la tête et j'en aurais bien tué quelques-unes quand Abbott et le révérend sont entrés. C'est pas vraiment sa voix, mais c'est son esprit, c'est Calamity Jane, ouais. C'est une lettre de Calamity Jane à sa fille. Une probable lettre, hein. On ne sait pas si c'est vraiment Calamity Jane qui a écrit ces lettres. Mais et en tout c'est cas, une lecture qui vous a pas mal occupé. C'est bizarre, moi je croyais que c'était Coco Chanel. Ben, j'ai pas fait gaffe, pourquoi ? Non, ouais. Pas la voix, non, mais ce qu'elle disait. Ce qu'elle disait. Oh, mais non, c'est une scène de baston dans un saloon par Calamity Jane raconte cette scène de baston. Ça avec fait longtemps que t'es plus chez Chanel. Il y a des porte-bâtons maintenant. C'est plutôt une femme, vous voyez, Daniel, qui boit, qui fume, qui porte des pantalons. Qui saute derrière les bars, qui conduit une diligence. C'est Coco Chanel. C'est Coco Chanel. Qui provoque des bastons dans les saloons, qui remonte ses jupons devant les dames qui pensent que c'est totalement irrespectueux. Vous avez beaucoup lu, vraisemblablement, cette correspondance. C'est un recueil de lettres, oui. En tout cas, je les ai lues, elles sont assez démentées. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette femme qui n'était pas vraiment dans les canons traditionnels d'une époque ? C'est une aventure dingue, le Far West, en tout cas, comme on peut le rêver, et ce soit une femme qui la raconte, en tout cas, qui l'aurait raconté, même si, a priori, donc, encore une fois, ouais. Hein, c'est 25 lettres qu'elle a écrites, en fait, à sa fille, qu'elle a confiées aux bons soins de quelqu'un qui saurait l'élever mieux qu'elle aurait pu le faire, et donc, elle a écrit sur 20 ans, je crois, ces lettres, ou 15 ans, donc c'est parfois une lettre tous les 5-8 ans, elle n'a pas forcément de papier, pas forcément de stylo, elle écrit, j'imagine, avec plein de fautes d'orthographe, mais elle raconte son quotidien, et effectivement, ça... Enfin, on est loin, voilà, des questions de quotidien comme on peut avoir dans la pièce, on est dans l'aventure pure, quoi. L'envers du décor, donc, au Théâtre de Paris, nous avons la chance d'avoir Pauline Lefebvre et Daniel Auteuil, nos invités dans la bande originale. France Inter, Nagui, la bande originale. Voici Olivia Ruiz avec Mon corps, mon amour. Oui. C'est beau, non ? J'adore cette chanson. C'est vrai ? Ah, vous la connaissez, Pauline ? Non, c'est pas. Mon corps, mon amour, pas mon cœur, mon amour. Ah non, alors d'accord, non. C'est Olivia Ruiz, c'est pas Naïs. C'est pas Naïs. Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains à leur part. Pour mon corps se grippe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un nom. affaiblit mon amour. Je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour. J'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo, plus que l'envie. Je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme. C'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné et l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour. Tes yeux se ferment sur ses atomes. Mon corps disparaît, mon amour. Je suis fini sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour. Je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour. Car face à lui, le tien reste sourd. Pas un credo, plus que l'envie. Je baise, donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme. C'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps se console, mon amour, il reprend vie contre un autre velours. Mon corps me guérit, mon amour, j'aime quand il vibre sans détour. Sa vie me ranime, mon amour. Je cours au dehors, revoir le jour. Sa vie me ranime, mon amour. Je cours au dehors, revoir le jour. Mon corps s'endort, mon amour. J'appelle tes mains à leur part. Pour mon corps se grippe, mon amour. Sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps est atone, mon amour. Et je sens poindre un long retour. Mon corps s'éteint, mon amour. Il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps expire, mon amour. Et je sens prendre un long retour. Mon corps est atone, mon amour. Et je sens prendre un long retour. Olivia Ruiz avec ce nouveau titre Mon corps, mon amour. Voici la drôle d'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Me stresser. J'ai une devinette. Vas-y. Est-ce que vous savez quelle maladie ils attrapent les chats quand ils s'embrassent? Les chiens? La mononucléose. Bah, c'est tellement mignon. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler multirécidiviste. Jingle. Sarkozy, c'est très très bien. D'accord, c'est vrai, il a fait des bêtises, mais après il a changé. Mais malheureusement, après il a rechangé encore. Il est redevenu comme avant, donc au final, autant pour moi, c'est une grosse baltringue. La France avec Sarkozy, c'est comme une pizza avec du caca, c'est mieux sans. Hein. L'affaire Taquedine, l'affaire Buisson, l'affaire du Fouquet, l'affaire Bongo, l'affaire Wörth, l'affaire Kadhafi, l'affaire Bismuth, l'affaire Clearstream, l'affaire Bristol, l'affaire Tapie, l'affaire Bettencourt, l'affaire Big Malion, l'affaire Karachi. D'ailleurs, c'est de là que vient la célèbre expression « c'est pas tes affaires ». C'est normal, c'est celle de Sarkozy. Alors, on n'en a pas trop parlé aux 20h de TF1 parce que Nico est assez pote avec Bouygues. Mais hier, Mediapart a révélé l'existence d'un carnet appartenant à l'ancien ministre du pétrole libyen dans lequel il détaille des versements de 6,5 millions d'euros à Sarkozy. Alors, on aurait bien aimé une petite interview du type. Mais malheureusement, on a retrouvé son corps dans le Danube en 2012. Hein, le pauvre homme s'est noyé le lendemain de la parution dans Mediapart aussi d'un document officiel libyen évoquant un financement de 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy en 2007. Putain, il a vraiment de la chance, Sarkozy. Ah, il devrait jouer au loto. Ah bah non, pas besoin. Il a déjà gagné 50 millions. Non, au final, on ne sait pas vraiment combien il a touché des Libyens, mais à mon avis, Kadhafi a moins dépensé pour la campagne de Sarkozy que ce que le procureur dépense en timbres pour lui envoyer ses convocations au tribunal. On dirait que tous les matins, Sarkozy se regarde dans la glace en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour étoffer mon casier judiciaire ? S'il y avait une justice, il serait tellement condamné qu'on devrait le cloner autant de fois qu'il a de dossiers, l'emprisonner avec ses 3000 petits clones et les laisser s'enculer sous les douches pendant 200 ans. Alors après, c'est normal qu'il se soit si bien entendu avec Kadhafi. Nicolas, il sait accueillir les dictateurs. Hein. Ben Ali, Bongo, Al-Assad, même un juge de la Cour pénale internationale, il reçoit pas autant de fils de pute dans son bureau. Non, Sarkozy, c'est son kiff, les dictateurs. À mon avis, il demande à Carla de se dessiner une petite moustache sous le nez avant de le sucer. Oh. Bon, alors, le portrait du mec est déjà bien dressé. On se dit qu'avec toutes ses casseroles, il doit se cacher quelque part dans le maquis en mangeant des racines pour échapper aux forces de l'ordre. Eh ben pas du tout ! Il est tous les jours à la télé pour dire de la merde ! Il va se retrouver avec un procès en plus quand Cyril Hanouna va porter plainte pour plagiat. Et non seulement il n'est pas en cavale, mais en plus, depuis un mois, Nicolas envisage calmement de se représenter en 2017. Alors évidemment, ses propositions sont magiques. Il veut passer la retraite à 64 ans, rendre le service militaire obligatoire pour les jeunes chômeurs, supprimer le regroupement familial et redonner à la France le goût du travail parce qu'il en a marre de l'assistanat. Et il s'y connaît, hein, en assistanat. Je vous rappelle qu'il est accusé d'avoir triché sur ses comptes de campagne en 2012 et qu'ensuite il a demandé à tous les militants de lui donner de l'argent pour rembourser à sa place. Hein, en assisté, le mec se pose là. Même un Rome, quand il veut te gratter une pièce, il a la décence de jouer un morceau d'accordéon. La semaine dernière, il était à Calais, il a dit « Si je suis président, la jungle sera démantelée avant la fin de l'été !» Mais c'est toi qu'on devrait démanteler, mec ! Si tu voulais faire un truc, t'avais 5 ans pour le faire. La jungle existe depuis 2002, il le sait très bien, c'est lui qui l'a ouverte en fermant Sangatte. Mais combien de temps il va prendre les gens pour des cons ? Excusez-moi, il m'énerve, c'est quand même tellement le symbole de l'échec de la civilisation. Moi, quand je meurs, enterrez-moi 60 mètres sous terre avec une peau de bête. Je veux pas que les archéologues du futur croient que je traînais avec vous. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Ah, c'est le chroniqueur de droite. C'est fatigant. Un commentaire. Daniel Auteuil, un commentaire. Non, c'est, vous êtes musclé. Et la plume acérée. Ouais. Nagui, vous qui connaissez Carla, c'est vrai la moustache ? Non, c'est totalement faux. J'étais choqué. Carla, je t'embrasse. Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est une copine, écoute. Ouais, je peux rien. Ouais. C'est une copine. Ce serait bien comme dans la pièce de savoir en vrai ce qu'il pense là. C'est débridé là, tout le monde dit ce qu'il pense là. Là oui. Sans filtre. Là oui. C'est notre bulle. Mais en même temps, c'est salutaire d'avoir. Vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent. Hein. C'est vrai ? Ouais. Plus maintenant, je crois. Ou encore plus. Moi, j'aurais tendance à dire encore plus. Et il y a des rediffs évidemment sur le site pour ceux qui veulent partager cette chronique en disant dis donc, t'as écouté Barré ? Non, t'as pas écouté Barré. Quand même, tiens, écoute quand même. Vas-y, écoute. Et pour la lettre de monsieur le juge, au sixième étage. Studio 621. Allez, on y va. La bande originale de Pauline Lefebvre et Daniel Auteuil, qui sont au théâtre ensemble, au théâtre de Paris, pour l'envers du décor. Nous leur avons demandé ce qu'ils écoutaient, ce que vous écoutiez comme musique. Et merci de nous avoir communiqué d'ailleurs votre bande originale. Par exemple, en 2000, Daniel Auteuil écoutait. I can give you all my dreams. C'est une voix déchirante en plus. Mmh. Ouais, bonjour madame. Elle est longue, hein, on n'est pas obligé. On va pas l'écouter en entier. Marianne Faithfull, à quelle occasion vous avez écouté cette musique et qu'est-ce qu'elle vous évoque en la réécoutant aujourd'hui ? Ah, c'était la musique de... Ça m'évoque des couteaux. C'est ma première tentative de suicide. Oui, c'est sur cette musique que je lance des couteaux sur Vanessa Paradis. Oui. Mais je croyais que le choix des... J'ai pas bien compris. Je croyais qu'il fallait associer le choix des musiques à une espèce d'actualité de l'époque, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ou des goûts personnels qui n'avaient rien à voir. Parce que je n'écoutais pas ça, moi, personnellement. Vous écoutez quoi, par exemple ? En 2000, je sais plus, c'était il y a 16 ans. La Macarena. Ah, Kylie Minogue, non ? Non, je sais plus, il y a 16 ans, je ne sais plus. Bah, c'est pour ça qu'on vous a demandé, en tout cas, de trouver un lien entre les deux. Vous avez eu le César du meilleur acteur pour un rôle qui n'avait pas été écrit pour vous. Non, c'était Jean-Pierre Marielle qui devait jouer ce rôle, effectivement, oui. À propos de vous et Jean-Pierre Marielle, vous êtes au courant de la vanne qui est faite dans une pièce de théâtre en ce moment, au théâtre Édouard VII ? Non. Ah bon, bah alors non, je peux pas vous... Il faut que vous alliez voir cette pièce. Ah bah si, racontez-moi. À un moment... Non, mais alors, racontez une vanne. Non. Non. C'est compliqué. Je pourrais pas y aller. Vous en avez trop dit. Oh, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est donc une actrice, pardon, une... Béalice Bégeot qui joue le rôle d'un auteur de pièces de théâtre, et Stéphane de Groot joue son voisin qui essaye de lui redonner de l'inspiration. Mmh. Et dans une discussion, ils disent, on a cherché le rôle pour un comédien, qui a l'accent du sud. Alors, il y a... Stéphane de Groot qui dit Jean-Pierre Marielle. Il dit non, plus petit. Ah, Daniel Auteuil, moins gros. Enfin voilà, donc je. C'est, bon, c'était long, hein. Ouais. Tout très ça bien. Pour ça. Très bien, j'irai voir la pièce. Mes avocats iront voir la pièce. Non, c'est un name dropping plutôt sympathique. Très bien. Non, mais c'est toujours très agréable de qu'on parle de soi. Dans d'autres théâtres, c'est l'impression de jouer de partout. Oui. C'est vrai en plus. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Dans ces années 2000-2001, Pauline Lefebvre, elle écoutait Dandy Warhols. Ça bouge plus. Ah bah c'est pas le même âge, hein, non. Je te remercie. Je suis plus proche de toi. Non, pas du tout. T'es. Dandy Warhols, Get Off, j'adore ce titre. Ah, j'adore cette chanson aussi. J'ai rien de particulier à dire à part qu'elle met la patate toute. Voilà. Circonstance, ouais. Elle met la patate et ma chanson, moi, me fout le moral à zéro. C'est ça. C'est... Pauline, vous faites vos études à l'École française des attachés de presse. Genre l'école Les FAP, qui c'est a ça. Surtout le surnom aussi d'école des filles à papa. Exactement. Ou des apprentis pétasses, c'était... Enfin, d'ailleurs, les deux non. sont assez valables. Ah bah, c'était... Enfin, non, en tout cas, de mon temps, nous étions les bonnes apprentis pétasses. Bah, je ne sais pas, on en a croisé. Mais... On avait toujours l'impression qu'en sortant de cette école, on n'avait pas forcément du boulot qui nous attendait, ou qui vous attendait, en l'occurrence. Enfin... Et comment vous en êtes sortis, vous? Ah bah avec je suis sortie en 2001, donc c'était une mauvaise année pour chercher du boulot, mais j'ai réussi à en trouver un quand même, donc j'ai travaillé dans le marketing. Et c'est vrai que c'est Gilles Jacob qui vous a décerné votre... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est lui qui m'a remis mon diplôme, j'étais major de promotion et d'apprenti pétasse et c'est... Non mais déjà, un signe, ouais. Gilles Jacob. Ouais, c'est vrai. En plus j'ai dû faire un truc un peu minable du genre, oui alors bon, j'aime beaucoup le cinéma, alors bon, voilà. Il m'a dit oui, bon bah d'accord, ok, super. Rappelez-moi, et voilà. À bientôt. C'était grandiose. Mais en c'est vrai. 2004, Daniel Auteuil reçoit son diplôme de flic entre guillemets grâce à Olivier Marchal, et il y avait cette musique dans ses dans oreilles. Ma veste de soir oh. Oh, c'est beau. Je déambule le mot. Sinon, le moral, ça va, Daniel? Oui, très bien. Ça m'a pas gêné. Alors, c'est pas pour foutre la merde, mais il n'y avait pas du tout cette musique dans le film, mais c'est une musique qui correspond à l'esprit du film. J'ai rien compris à ce qu'on m'a demandé, moi, sur la communication, sur les musiques. Sinon, je vous ramenais des trucs, l'auberge du cheval blanc. Mais on va écouter Mon Vieux de Daniel Guichard. Le Gambadou. Ou Les Roses Blanches de Bert Silva. À cette époque, vous incarnez donc Léo. Vrinks, patron de la brigade de recherche et d'intervention dans 36 Quai des Orfèvres. Le travail avec Olivier Marchal était à la fois un travail d'un connaisseur du métier, puisqu'il était un ancien policier, à la fois dirigé par l'auteur du film. Ça doit être particulier de tourner avec lui. C'est surtout, on a affaire à un type qui a été très, très secoué par ses années de police, quelqu'un qui est à vif et quelqu'un d'extrêmement fragilisé par tout ça, donc qui a besoin de déverser tout ce qu'il a vécu là-dedans. Donc qui a connu la mort à quelques millimètres, qui a croisé des copains qui se sont suicidés avec leur arme de service. Et donc c'est quelqu'un qui a besoin qui n'est pas sorti indemne en tout cas. Voilà, c'est ça, et qui a besoin de témoigner de ça. C'est pour ça que ces films sont toujours très très écorchés, quoi. Et faire des films de genre comme ça, est-ce que ça amène une forme de compétence pour la suite, parce que c'est une immersion dans un milieu qui est très très particulier. Non, mais surtout si vous voulez régulièrement un succès, un grand succès d'un film policier au cinéma, le sort de la télé. Et donc pendant quelques années, il y aura des films des polars au cinéma, et puis après ça va moins bien marcher, ça va retourner à la télé. Il y a eu La Balance comme ça il y a quelques années, il y a eu régulièrement, tous les dix ans, il y a un polar qui sort et qui redonne le goût du genre. Dans ces années 2005 exactement, Pauline Lafont, écoutez... Pauline Lafont ? Ah oui, le fait, pardon. Bon, pauvre Nagui. Ouais, c'est plus ce que c'était. On est en direct ? Non, on enlèvera ça au montage. Jamais, on ne prend pas de risques. Je suis que Nagui travaille ici, c'est fini le directeur. On a arrêté. Le trapèze s'enfilait. Non, non, c'est fini ça. Oui, c'est ça. Pauline Lefebvre écoute donc Michael Field avec Moonlight Shadow. J'ai écouté ça de force, hein. Je travaillais pour Direct 8 et à l'époque, je ne sais pas si musique, vous vous souvenez, c'était la musique il n'y avait la pas chaîne. De pub. Et donc entre les émissions, les changements de plateau, il y avait un seul plateau, donc il fallait changer vaguement le décor et il y avait les interludes où on filmait c'était les coulisses. À la Défense, soit plutôt, je sais plus. Plutôt, ouais, chez Vincent Bolloré. Et effectivement, on filmait les bureaux, les couloirs. À peu près partout et il y avait cette musique en boucle parfois pendant je sais pas 20 minutes et nous on faisait coucou aux caméras caméras de surveillance en fait qui était le t'as commencé avec caméras de surveillance en fait, ouais le c'est, cinéma, ça, c'est ça c'est ça pour vous Daniel aussi après vous avez rejoint M6 après il y a eu Canal est-ce que la télévision maintenant j'ai arrêté d'écouter cette chanson au stade ouais. Oh, on va l'arrêter en tout cas. Au stade où vous en êtes dans votre carrière c'est plus jamais de télé en termes d'animation, de talk, de journaliste, j'adore, de chronique. J'adore faire de la télé, je trouve ça vraiment très très drôle comme exercice, parce que justement on se rend pas compte qu'il y a des gens qui vous regardent, et c'est assez sympa, avec un peu d'inconscience, mais c'est vrai que c'est compliqué dans sa tête, dans la tête des gens, des professionnels également, de faire de métiers qui n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun. Même si Oui, mais après tout ce que vous avez connu, votre parcours, les rencontres entre Patrice Lecomte, Daniel Auteuil, le théâtre, le succès au cinéma. Alors, j'ai pas de plan de carrière, donc non, tout va bien. Que vous avez faire... quand même un agent qui va vous dire ça serait oui, gâché. Évite peut-être voilà. De faire d'animer, refaire de la météo maintenant sur ouais. Un fond vert, même si je maîtrisais pas mal le fond vert avec ça. Je dois reconnaître que vous étiez doué. Est-ce que c'est parce que tous les soirs il y a plus de gens qui vont voir la pièce que spectateurs ou téléspectateurs qui voient Canal que vous avez dit oui? Ça c'est fait. En 2010, Pauline Lefebvre, écoutez. Here comes the time for my heart to heal the past. En tout cas, c'était la BO du film de Patrice Lecomte, Voir la mer. Une histoire incroyable aussi, cette rencontre, ce film, ce succès. Bah ouais, un premier film, c'est un peu comme plein de premières fois. Ça, oui, c'est quelque chose d'assez précieux. Et c'est vrai que Patrice m'avait vu au Grand Journal faire la météo et on. Pardon, parenthèse, comme quoi ça n'a aucune incidence. Je veux dire que si un metteur en scène a le désir d'un acteur ou d'une actrice, qu'il soit n'importe où, il ira le chercher, même à la météo. C'est vrai. Oui, pour le début. Mais là, aujourd'hui, vous n'allez pas faire chroniqueur dans une émission de plateau. Mais qu'est-ce que vous en savez sur le dos? Je te remercie, vraiment. Ça nous fait vraiment. Plaisir, Daniel et moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, Daniel, qui êtes un homme heureux et intelligent, vous ne ferez pas un métier d'idiot Écoutez, je n'aurais pas le talent de il faut un vrai talent d'écriture et de vraiment et d'observation. Il ne faut pas exiger un gros niveau de vie non plus. Il faut accepter la kangou. Le rire est vraiment Putain, j'ai en 50 moi. Et la bande originale du film La fille du puits Zatier. Ouais, ça va vous faire marrer donc. Ouais, ça va vous faire marrer aussi, Caruso. C'est là. J'aurais été obligé de couper ça. Sur les ballots. C'est quand même Caruso hein, qui chante. Hein. Absolument. Caruso qu'on a réenregistré à Londres avec l'orchestre de Londres. Et les musiciens là-bas à Bayreuth, il y avait une centaine de musiciens. Et au bout d'un moment, ils réalisent, mais ils se disent, mais c'est Caruso qu'on est en train de. C'est sur Caruso qu'on est en train de jouer. Donc vous aviez la bande playback, entre guillemets, de Caruso. Et vous refaisiez la matrice. Vous refaisiez l'orchestration. Ouais, on avait la matrice de Caruso. C'était exceptionnel. Et pourquoi ce choix? C'est personnel. D'accord. Parce que dans l'histoire, pourquoi ce choix? Parce que si vous voulez, je cherchais un air qui. C'était un air qui était relié à la jeunesse des filles qui jouaient dans le film. Voilà. Revenons donc à cette pièce de théâtre, L'envers du décor, avec aussi bien les pensées que les situations. Il ne faut pas insister, il ne dira pas. L'envers du décor, donc, Daniel Auteuil et Pauline Lefebvre sont nos invités. Nous avons demandé à Béatrice Voirin, merci Béatrice, de venir à notre micro. Bonjour Béatrice. Bonjour Béatrice. Vous êtes psychothérapeute à Bologne et on voulait avoir votre regard. Vous devez avoir du taf avec l'équipe Canal. On voulait avoir votre regard sur le rapport. Je croyais pas si bien dire. le rapport d'âge au sein du couple, puisque encore une fois, l'ami d'enfance de Daniel Auteuil dans la pièce a mis en l'air, foutu en l'air son couple, viré sa femme. Enfin, mis en l'air et s'est séparé, quoi. Enfin, oui, c'est séparé. Il a détruit une histoire d'amour, excuse-moi. Mais, sauf que quand elle est à la fin, c'est pas une destruction. Ouais. Enfin, je sais pas. Mais il a un côté dramatique, mais il fatigue. C'est ça arrive de séparer. Heureusement qu'on n'est pas en direct, hein, parce que sinon, ça saoulerait d'écouter ça. Le côté ma femme est vieille, j'en prends une plus jeune. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est moche. Il est vraiment amoureux d'Emma. Oui, il est amoureux. Ça existe, l'amour. Parlez-lui en vrai. Il n'est pas au courant. Laissez parler madame. Oui, pardon. Alors, est-ce que dans votre cabinet à Boulogne, où il doit y avoir des bonnes raisons de se trouver à Boulogne, est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui viennent avec des problèmes de différence d'âge? Alors, juste avant, je voudrais faire une spéciale dédicace à mon fils Louis, que j'embrasse très fort, et qui est apprenti pétasse à l'EFAP. Ah, c'est une très bonne école. Moi, non, moi, c'est une espèce de chéri. Bisous, Louis. Ah, je le connais. C'est drôle. Ça, c'est fait. Voilà, c'est fait. Et la différence d'âge? Alors, la différence d'âge. Est-ce que souvent des couples viennent vous voir en disant j'ai un problème, soit le regard ou soit la famille nous juge pour cette différence d'âge? Oui. Merci. C'est formidable. C'est bien d'avoir des spécialistes parce que tout de suite ça rehausse le niveau. Mais c'est vachement radiophonique. Non, l'amour d'abord, c'est une question d'assurance avant d'être une question d'âge, normalement. Voilà, ça c'est une chose. Après, oui, ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'à la base, on est amoureux et puis après, on se retrouve dans des préjugés, dans la difficulté de vivre notre amour avec une personne plus jeune. Forcément, il y a un regard différent. La famille, ce que décrit très bien votre pièce, d'ailleurs. Que ce soit de l'homme étant le plus vieux, la fille le plus jeune ou l'inverse, dans les deux cas... Il y a un jugement entre guillemets de la société où c'est encore plus sévère avec la femme plus âgée que le. Le couple avec beaucoup de différents âges, il porte en lui la fin en fait du couple. C'est-à-dire que le couple dure toute la vie, on se marie, on a des enfants et on meurt très vieux. Déjà, la différence d'âge fait que de toute façon, l'un ou l'autre partira avant. Donc déjà, il y a ce deuil-là. On a une espérance de vie plus grande, nous, les femmes. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est juste un préjugé. Il y a ça, puis il y a les accidents de bagnole. Voilà. Tout, parce que la vérité, c'est que maintenant, les gens vivent très vieux. Aussi, que, voilà, exactement. Mais non, mais dans l'inconscient, en fait, voilà. C'est un jugement chez les gens. Regarde Émile Louis, c'est vrai que c'est pas du tout accepté. Est-ce que la différence d'âge cache autre chose? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que, gardons l'exemple de ce qu'il y a dans la pièce, la jeune fille, la fille est plus jeune que son amant, mais ça veut dire que c'est la quête du père, elle cherche à retrouver amour. Souvent dans ces cas-là, la maturité. Oui, souvent dans ces cas-là, c'est l'homme plus âgé apporte une sécurité, un cadre plus strict. Et souvent ces femmes-là, elles en ont besoin, soit parce qu'elles ont énormément admiré leur père. Donc du coup, elle cherche à admirer énormément un homme qui... Ah, c'est aussi cliché que ça. Mais ouais. Ah ouais. C'est pas une rencontre de personne. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, à la base, c'est une histoire d'amour, ça c'est sûr. De toute façon... Parce que pourquoi c'est plus normal d'être avec quelqu'un qui a son âge? Non, c'est pas plus normal. Ouais, voilà. C'est pas du tout plus normal. Je trouve ça toujours idiot. À la base, c'est une histoire d'amour. Point. Mmh. Après, si on est ensemble pour les bonnes raisons, et qu'on est deux adultes consentants, équilibrés et indépendants, il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Et même au contraire, moi je vois des couples qui durent drôlement longtemps. Parce qu'une fois qu'on a passé ce stade de préjugés, après, ouais. On est là pour les bonnes raisons. À l'inverse, est-ce qu'il y a une renaissance de la part de l'homme plus âgé qui se retrouve bousculé un tout petit peu dans ses habitudes parce qu'il y a la petite jeune qui est là et qui lui dit « Allez, on sort, on fait ci, on fait ça, on se bouge un peu ». Est-ce que vous conseilleriez à Nagui de quitter sa femme? C'est ça la question. Non, elle est plus jeune que moi. Jeune, je crois. Oui, c'est ça. Heureusement, elle m'a requinqué, tu veux pas ça? Jamais. Pourquoi tu tapes sur la table? Est-ce que ça marche aussi pour les femmes qui sont avec des hommes plus jeunes? Est-ce que ça... Alors, il y a une injustice par rapport à ça. C'est que souvent, la femme plus jeune, si c'est pour des mauvaises raisons, ça peut être considéré aussi comme un trophée. Mais c'est une mauvaise raison. Non, mais dans la pièce... Là, j'ai un petit exemple, si on a le temps, je pourrais vous lire, qui résume tout ça. Allez-y. Allez, non, mais madame est venue. Madame est restée. Oui, très bien. Et donc, si vous voulez, c'est... Dans la pièce. Dans la pièce, je suis en train de parler avec ma femme et je lui dis que finalement, j'ai annulé ce dîner. Elle me dit, et Patrick, il ne s'est pas vexé. Je dis, il a très bien compris, même s'il était déçu. C'est vrai, parce que Notre sentiment compte beaucoup pour lui, surtout le tien, et qu'il a l'air très attaché à cette fille. Et Isabelle dit, mais elle a à peine 30 ans, Daniel. Et moi, je dis, et alors, quel est le rapport? Je ne sais pas, j'arrive pas, toujours pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire pour cette gamine. C'est pourtant très facile à comprendre. Quoi? C'est ça. La pensée, c'est oui, c'est ça pour lui, tout est facile à comprendre. Pendant des années, Patrick et Laurence nous sont apparus comme un couple incroyablement fort, admirable, solide, et il ne s'étonne pas qu'il ait pu du jour au lendemain la quitter pour une autre fille. Il ne s'en étonne même pas au prétexte qu'elle a 30 ans et sans doute de très jolis seins. Tout ça me fait vomir. Donc ça vous énerve quand même. C'est la femme. Mais en l'occurrence, c'était pour placer un extrait de la pièce. C'est bien placé. Les droits d'auteur. Voilà, bim. Et vous voulez pas lire l'extrait, vous vous demandez à quoi ressemble ça? Oui. Ah non, faut pas le dire, c'est le... Qu'est-ce qu'il y a, Béatrice? Vous avez quelque chose à nous dire? surtout, elle l'a dit. Mais quand j'ai pris cette réplique comme une claque, c'est-à-dire que, un, je ne m'attendais pas à ce que Zeller l'écrive, deux, à ce que vous... Il y en a d'autres, des plus terribles encore. C'est-à-dire que les pensées au début sont à peu près correctes. Il dit, ouais, elle est vraiment belle. Je pourrais pas quitter ma femme. Et puis après, plus il est en introspection, plus il se pose des questions, il la regarde. Il dit, c'est bizarre, ses sourcils ne sont pas de la même couleur que ses cheveux. Et après, si vous voulez, il cherche des choses, quoi. Il est gêné. Non, je ne suis pas gêné, c'est un gros effet. Je ne voudrais pas priver 100 000, les 100 000 prochains spectateurs de cet effet. Oui, on dit déflorer quand il s'agit de cet endroit. est-ce que la pression de la famille est encore pesante aujourd'hui, ou est-ce que les mentalités ont évolué et que finalement une différence d'âge de 20-30 ans... Les implants capillaires maintenant, ça se fait quand même vraiment facilement, non? Ça marche pas aussi. Est-ce que la famille, encore aujourd'hui en 2016, juge? Ouais, je sais, je vais vous décevoir, mais oui. Encore? Ouais. En tout cas, c'est ce que j'entends. On n'a pas évolué. La famille, les amis, tout ce que vous décrivez vraiment dans la difficulté. Moi, j'ai un monsieur qui me racontait qu'il a fini par ne plus amener sa femme dans les soirées avec ses amis à lui. Mais il y a des soirées, il faut être majeur. Mais est-ce que ça vient pas aussi de... Si on n'assume pas, c'est-à-dire que si on porte un grand intérêt au regard des autres, est-ce que quelque part, on ne donne pas l'occasion aux autres de s'exprimer contre... Vous parliez d'assurance, c'est le premier mot que vous avez dit, assurance. Alors, je n'avais pas forcément compris au départ pourquoi assurance, mais ouais, c'est ça. Conseil à donner, si vous voulez effectivement un type plus âgé avec une jeune femme, je ne conseille pas, parce que déjà, au départ, si vous voulez... le regard des autres est terrible, et 20 ans après, 30 ans après, la jeune femme est obligée de pousser le mec dans un fauteuil et de le changer. C'est pas un truc que je conseille. Souvent, ces jeunes femmes-là, enfin, en tout cas dans ce que je vois, elles partent pour les raisons pour lesquelles elles sont venues, elles sont arrivées en fait. C'est comme toutes les histoires d'amour. On se quitte pour la raison pour laquelle on s'est aimé. C'est-à-dire, je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il était rassurant, il me faisait du bien, et puis je quitte parce que je m'ennuie et que j'en peux plus, et que surtout, on n'a plus les mêmes envies. Est-ce qu'il y a une différence d'âge, entre guillemets, moyenne, acceptée par notre société? Je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans, moins de 10 en fait. Ouais. Ah bon? Moins de 10, c'est toléré. Ouais. Au-delà de 10, c'est... Mais de toute façon, c'est toujours... Après moi, les gens que je vois, c'est forcément les gens qui ont des soucis avec ça. Les équilibrés, qui s'en foutent et qui le vivent très bien, ils viennent pas me voir. Donc forcément, je vais avoir la difficulté avec des gens pour qui c'est un problème. Très bien. Merci Béatrice d'être venue jusqu'à nous. Et bonnes études à votre fils, que nous embrassons à nouveau. Béatrice Barra, merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Daniel Morin, la différence d'âge dans un couple, ça peut être aussi un signe d'épanouissement. Ouh, la question de génie. Est-ce que c'est bon de travailler à vos côtés, monsieur Guy? Vous êtes si rapide et tellement juste dans vos analyses. Comme on dit en vieux français, je suis sur le cul. Seul petit bémol, ce n'est pas la bonne question. Non, l'excellente question est, la différence d'âge dans un couple, n'est-ce pas plutôt et surtout un signe de perversion? J'en parlais encore hier soir avec Kimberley, monsieur Guy, votre dernière épouse, âgée de 15 ans. Salaud. Kim me disait « Ouais, il est cool, monsieur Guy, enfin bon, voilà, des fois... » Comment ça, rétorquai-je à la jeune future ex-vierge? Ben, les câlins avec lui, ça me va, mais j'aime pas quand il vient avec monsieur Balkany. Oh. Dis donc, si là on n'est pas en pleine perversion, où est-ce qu'on est, hein? On est où, bordel? Il est où l'épanouissement, hein, monsieur Guy? Vous pouvez me dire où il est, l'épanouissement? Oh non, toi, ta gueule, c'est pas le moment. Non, monsieur Guy, la différence d'âge, c'est une punition, c'est hyper cruel. Regardez ce pervers de Macron, faire subir à sa pauvre épouse Brigitte toutes ces horreurs, toutes ces turpitudes physiques et avilissantes pour une dame d'un âge canonique. Non. S'il continue comme ça, on court à la catastrophe. Un jour, elle ne pourra plus se lever, elle aura une fracture de la hanche. Et à son âge, fini les soudures, c'est la petite voiture. Alors, il est où l'épanouissement, monsieur Guy ? Il est où l'épanouissement ? Oh ! Mais ferme-la, Christophe Maé, on n'a pas besoin de toi. Voilà, monsieur Guy, je suis désolé, mais démonstration est faite, de façon claire, qu'une fois de plus, vous avez dit n'importe quoi ! France Inter, la bande originale, avec Nagui. Nous parlons de l'envers du décor au Théâtre de Paris avec Isabelle Gélinas, François-Éric Gendron, mais aussi nos invités Pauline Lefebvre et Daniel Auteuil. Au Théâtre de Paris, ça va continuer jusqu'à quand ? C'est en fait toute la saison, vous vous dites jusqu'en décembre. J'ai l'impression que c'est toujours proche. Premier janvier inclus, voilà, premier janvier inclus. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, parce qu'après, nous partons pour plusieurs mois en tournée à travers la France, la Suisse, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne. Et avec Isabelle Gélinas ou Valérie Bonneton ? Non, avec Isabelle Gélinas. Avec Isabelle Gélinas, très bien. Au Théâtre de Paris, je le rappelle, déjà, plus de 100 000 spectateurs et ça continue. Et ça reprend, à partir du 30. De vendredi, là, vendredi. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'on... Ah d'accord, c'est pour ça, qu'on c'est dans deux jours. She just drive you cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. Chestnut avec ce titre The Seed et Cody Chestnut étant invité des Roots. Voici dans notre bande originale le Je n'oublierai jamais. Je commence mes phrases par Je n'oublierai jamais. Vous les complétez comme vous l'entendez. Richard Larnac nous accompagne. Pauline Lefebvre, je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait. Je n'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'il y avait? Rien ne vous a marqué particulier? Si, plein de choses, mais avec cette musique déprimante. Un piano, du coup, j'ai envie de penser à des trucs tristes et tout. Non, il n'y avait pas de piano, il y avait des affiches de James Dean dans ma chambre. Très bien. Je n'oublierai jamais Daniel Auteuil, mon professeur de. Trompette. Vous avez joué de la trompette? Il faut que je développe, 30 secondes. C'est-à-dire que oui, je jouais de la trompette, mais toutes les semaines j'avais cours, mais je jouais jamais parce que ça me gonflait. Et mes pistons étaient bouchés, voilà. Donc il m'engueulait. Voilà. Mais je ne vais pas développer tout. C'est terrible. Je n'oublierai jamais, Pauline Lefebvre, la phrase que disait mon papa, ma maman. Ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Très bien. Je n'oublierai jamais, Daniel Auteuil, mon obsession pour. La trompette. Pour la trompette. Non. Je n'oublierai jamais mon obsession pour la vie. C'est vachement bon. Je m'attendais aux montres. Moi. Non, je suis pas, je m'en fous des montres. Tiens, d'ailleurs. Vous êtes obsédé. Non, c'est bon, on enchaîne. On va même s'arrêter là, alors ça sera plus simple. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, l'amour 2.0, un nouveau regard sur nos relations amoureuses. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. Moi, c'est Marc. Et mon boulot, d'habitude, c'est d'aider les gens à identifier les travaux de rénovation qu'ils peuvent faire chez eux. Les accompagner dans leur démarche et les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Alors si un jour on m'avait dit que j'allais faire de la radio... Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Contactez un conseiller rénovation infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Et du 6 au 9 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. France Inter. On aime. On vous en parle. Star Wars, du 29 septembre au 1er octobre, à l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Sans la musique de John Williams, Star Wars ne serait pas Star Wars. L'Orchestre National de Lyon donne en concert symphonique les grands thèmes qui ont marqué la mémoire musicale de la plus grande saga du cinéma. Dans la lumière et le brouillard traversé de laser de D.M. Wood, aux confins des étoiles, plus de 200 musiciens et choristes feront résonner la marche impériale et la menace fantôme. Star Wars, à l'Auditorium Orchestre National de Lyon et à retrouver aussi dans les émissions de France Inter. Il est midi sur Inter. Les informations, Laetitia Gaillé. Les deux plus grands hôpitaux de l'Est d'Alep en Syrie ont été touchés par des frappes aériennes. L'ONG médicale qui soutient ces deux établissements confirme. L'attaque est survenue vers 4h du matin. C'est un avion militaire qui les a visés. On ne sait pas pour l'instant s'il y a des victimes. On sait juste que depuis lundi, les forces de Bachar el-Assad avancent à marche forcée sur Alep avec le soutien de Moscou. Lors de son audience hebdomadaire, le pape François a dénoncé ce matin le regain de violence en Syrie et il lance un appel à la conscience des responsables des bombardements qui devront, dit-il, rendre des comptes devant Dieu. Les obsèques de Shimon Peres auront lieu vendredi à Jérusalem. François Hollande fera le déplacement. Nicolas Sarkozy, le prince Charles, Barack Obama, Bill et Hillary Clinton. Il y aura donc du monde pour venir honorer la mémoire de celui qui fut l'un des pères fondateurs d'Israël. Premier ministre, artisan des accords d'Oslo, président d'Israël également. Shimon Peres est mort la nuit dernière des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 93 ans. À l'exception du mouvement islamiste Hamas qui salue la mort d'un criminel. Les hommages en la personne de Shimon Peres sont unanimes ce matin. Dans le journal de 13h, Bruno Duvic recevra Emmanuel Navon, universitaire à Tel Aviv, professeur en relations internationales. En France, ce sera le dernier budget du quinquennat. Michel Sapin a présenté ce matin le projet de loi de finances pour 2017. Le ministre de l'économie et des finances assure que l'objectif de réduction des déficits sera atteint, à savoir passer sous la barre des 3% du PIB. Il pronostique même 2,7%, même si l'exercice est difficile et entouré d'inconnus, Isabelle Chaillou. Assainir les finances publiques, ramener le déficit sous les 3%, la promesse date de 2013, mais le gouvernement assure que l'année prochaine, elle sera enfin tenue. quitte pour cela à parier sur des hypothèses très optimistes. D'abord la croissance. Bercy table sur 1,5% en 2017, c'est plus que les prévisions de la plupart des économistes. Or, si la croissance est moins élevée, ce sera aussi moins de recettes pour l'État. Pourtant, en multipliant les annonces, ces derniers mois, l'exécutif va devoir financer près de 10 milliards de nouvelles mesures. Hausse des salaires des fonctionnaires, mesures pour les jeunes ou encore baisse d'impôts pour 5 millions de contribuables. Tout sera financé, répond Bercy, qui fait preuve au passage d'une certaine ingéniosité comptable, puisque les 5 milliards du pacte de responsabilité pour les entreprises ne seront techniquement pas imputés sur le budget de l'année prochaine, mais sur celui de 2018. Sauf que d'ici là, il y aura eu une présidentielle, puis des législatives, avec à la clé, en cas de changement de majorité, de nouvelles orientations pour les finances publiques. Autant dire que ce budget 2017 est hautement hypothétique. Isabelle Chailloux, le prix réglementé du gaz va baisser au 1er octobre, moins 0,8% selon la Commission de régulation de l'énergie qui l'annonce aujourd'hui. Il ne peut pas être candidat à la primaire des Républicains, faute de parrainage suffisant, mais il peut apporter son soutien à l'un des 7 candidats. Sur France Inter ce matin, Hervé Mariton a déclaré qu'il voterait pour Alain Juppé. Le député Les Républicains de la Drôme juge que c'est le candidat le plus sincère. Le premier tour aura lieu le 20 novembre prochain. Comment évaluer la réalité de l'accès à l'IVG en France? Eh bien, par des enquêtes de testing. Elles débuteront en décembre et elles auront pour but d'identifier donc les éventuelles difficultés, les niveau d'information et autres, annonce aujourd'hui de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à l'occasion de la Journée mondiale du droit à l'avortement. Selon le planning familial de Paris, 41 ans après l'adoption de la loi Veil, 5 à 6 000 femmes partent encore avorter à l'étranger. Ultime recours quand le délai légal de 12 semaines de grossesse est dépassé. Absence de devis, de contrat, publicité trompeuse. Le secrétariat d'État au commerce, à l'artisanat et à la consommation vient de lancer une campagne nationale pour lutter contre les pratiques déloyales dans le dépannage à domicile. Faites-vous dépanner, pas arnaquer, c'est son slogan, car les abus sont nombreux dans le domaine. Illustration avec ce reportage de Sandrine Etoa Andegue. Cette fois, le prix annoncé, c'est ce qu'a dû payer Marie, une jeune parisienne, pour déverrouiller la porte de son appartement. Elle est sortie de chez elle en oubliant les clés à l'intérieur. Dans l'urgence, elle trouve sur internet un serrurier. Une fois qu'ils sont arrivés, je leur ai demandé de confirmer le prix. Donc ils m'ont bien dit que c'était 50 euros. Et une fois la porte ouverte, là, ils m'ont demandé 350 euros en espèces. Je lui ai dit que c'était un petit peu une arnaque et ils m'ont dit que je rêvais, que les 50 euros, c'était en fait les frais de déplacement. Les prestations hors de prix, les remises de devis après la réalisation des travaux, les facturations non prévues, les malfaçons, voilà les pratiques abusives les plus courantes. Comment les éviter? Quelques conseils de Fatou Diallo, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ne pas faire confiance à tous ces tracts publicitaires, ces flyers que l'on trouve dans les boîtes aux lettres, il faut absolument les éliminer. Ne pas non plus se précipiter sur Internet et prendre la première société qui apparaît. C'est des sociétés qui n'ont pas de locaux, qui essaient de se faire passer pour un artisan honnête. Dans le secteur du dépannage à domicile, plus de 50% des entreprises contrôlées étaient en infraction l'année dernière. Sandrine Etoa Andegue, 12h et encore, allez, 5 minutes sur Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission Énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle. Et ce mercredi, dans le Énervé, le retour des héros de la French Touch. Cassius entre Ibiza et California, ça donne Ibifornia. Et puis en deuxième heure, le revenu universel s'invite dans la campagne. Alors, idée de génie ou idée fausse? Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. Mais là, c'est tout de suite sur France Inter, et c'est la suite de la bande originale, Nagui. Ah, merci Laetitia Gaillet. J'ai pas parlé de bière, hein, là, c'est bon. Non, bah, bien. La voix, Laetitia Gaillet. C'est bien dommage. Pierre-Emmanuel rêverait de vous rencontrer, Laetitia Gaillet. Oui, je trouve que vous avez une très belle voix. C'est gentil. Non, ça ira pas plus loin, ça marchera pas. Ok, j'arrive, je monte. Allez. J'avais pas mon casque. Il se passe un truc. Elle arrive, elle a dit. C'est vrai? Ouais. Retour de l'info. Je me déshabille. Je vous préviens, Laetitia, il est très très en forme. Bon, bah je redescends. Défaitiste. L'information sera assurée par Laetitia Gaillet toute l'après-midi à 13h. C'est le journal de Bruno Duvic. À tout à l'heure. Bienvenue dans la bande originale avec Leïla Kabeloudi. Bonjour. Tom Villard. Bonjour. Pierre-Emmanuel Barré. Daniel Morin. Bravo Daniel. Charles Ornac, nos invités Pauline Lefebvre et Daniel Mais la chance. Ils sont à nouveau au théâtre, plus de 100 000 spectateurs pour ce succès. Retour à partir de ce vendredi 30 septembre et ce jusqu'au 1er janvier inclus. Et c'est ouvert, comme dirait l'autre, tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Mais moi, je suis admiratif de, parce que physiquement, nerveusement, et puis même en termes de santé, il y a un travail en plus de jouer, en plus de. Il y a les gens qui bossent, ça t'impressionne. Hein. Ah, mais, c'est un métier, ça, c'est sûr. Ouais. Il faut être en forme. C'est vrai que je suis impressionné. Et surtout les gens qui bossent tous les jours et autant. Ben, ça, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre. Attends, en même temps, quand même, c'est que deux heures par jour, hein, faut pas exagérer non plus. Mais oui, mais non, si vous avez un petit rhume, comment jouer? Ah, hier, on n'a pas de rhume, on n'a pas le droit. Voilà, c'est ça, on a la piqûre. Donc je veux dire par là, il ne peut rien nous. Non, on n'a pas le droit, Si Pauline se réveille un matin avec un bouton qui est sorti sur le nez, enfin, ça lui arrive, mais. Au théâtre, on ne voit pas bien. Les premiers rangs seront condamnés, on mettra. Voilà. Le public a une très mauvaise vue en plus, on met les vieux devant. Le théâtre est très très grand. Hein. Oui, 1000 et quelques places. 1200 places, oui. Mais vous, Daniel, vous êtes un peu hypochondriaque en plus, alors. Oui, mais figurez-vous, le travail éloigne les angoisses. C'est pour ça que. Et dès que vous êtes en vacances, vous vous chopez une maladie, c'est ça ? Je chope des trucs, Que vous relâchez le. Oui, c'est ça, mais enfin pas des trucs. Et surtout, vous allez à Pattaya en vacances. Ça joue aussi. Florian Zeller a écrit la pièce, d'ailleurs spécialement. Pour vous, est-ce que vous avez parlé du sujet avant? C'est vous qui l'avez guidé en disant non, je voudrais. Non, pas du tout. Je lui ai dit tout le contraire de ça. Je lui ai dit que je voulais une pièce qui se passe en extérieur, une pièce assez dramatique, tout ça. Et il est venu bien avec. Oui, il a... il fait ce qu'il veut. Il a dit oui. Il est venu avec une pièce qui se passait à l'intérieur, une comédie complètement délirante. Et mais c'est voilà, c'était tellement drôle que on pouvait pas. Comment la pièce, Pauline, depuis que vous avez fait. J'avais pas terminé, mais c'est pas grave. Je savais pas ce que j'allais dire. Les premières. Mais à partir du moment où ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. comment, depuis la première répétition jusqu'à aujourd'hui, la pièce a évolué de votre regard? Est-ce qu'il y a eu des coupes qui ont été faites? Est-ce que vous avez boosté certaines vannes, pris plus de temps sur d'autres? Et les indications Daniel Auteuil évoluent de représentation en représentation? Tout évolue, effectivement, et c'est ce qui est très excitant dans le fait de jouer au théâtre et dans le fait d'avoir Daniel comme metteur en scène, parce que. Et comme comédien, ce qu'il ne joue jamais pareil, Daniel, sinon il s'ennuie. Quand il s'ennuie, je ne vous dis pas l'humeur. Tous les soirs, il réinvente. Non, sérieusement, il réinvente beaucoup de choses tous les soirs. Alors au début, moi, j'étais très sage. Je jouais comme il m'avait dit. Enfin, je crois que je jouais comme je croyais qu'il m'avait dit de jouer. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon. Et lui, il s'amuse, il tente des trucs. Donc moi aussi, pourquoi pas tenter? Alors parfois, ça marche plus ou moins bien. Si tout le monde se lâche, ça devient n'importe quoi à la fin. Non, parce que justement, on se resserre, on recadre un peu, on resserre, on fait un petit ménage après. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie énergie et tous les jours, vous disiez. Il débrief tous les jours. Il vous réunit après le théâtre pour après la pièce. Ouais, un petit débrief rapide. Et puis on sent les trucs qui marchent ou qui marchent pas sur le moment même. Hein. Parfois, on se dit, tiens, faut pas refaire ça comme ça, ça n'a pas du tout marché. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette adrénaline tous les soirs et c'est ce qui est. Voilà, c'est ce et qui Daniel Auteuil, il y a des soirs où le public est moins bon? Non, c'est nous qui sommes moins bons. Le public est toujours le même. Franchement, oui. Ça, depuis toujours. Non, c'est à nous, c'est vraiment à nous aller le chercher. J'ai quand même pour aller souvent au spectacle, j'ai l'impression que le public du même des jours de semaine, le public du mercredi n'est pas le même que le public du samedi. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Non, c'est vraiment des projections d'acteurs, de trucs. Non, c'est à nous aller. Quand il y a des groupes de comités d'entreprise très nombreux, ils osent pas rigoler parce qu'ils sont entre collègues. Donc je fais un appel au comité d'entreprise. Si vous venez à 100 ou à 200 ou à 50 voir la pièce, n'ayez pas peur, riez, ne vous sentez pas gêné par rapport à votre gars de la compta à côté ou au patron. C'est vrai qu'on peut sentir ce soir-là. Et il y a de quoi rire dans l'envers du décor au Théâtre de Paris. Voici l'humeur de Daniel Morin. Bravo Daniel. Merci. Je vous en prie. On ne peut plus avoir confiance en personne. Personne, je vous dis. L'ancien patron des Barbouzes français, Bernard Squaccini, a été placé en garde à vue. C'est vrai? Tu m'étonnes. Bah oui. En même temps, avec un nom comme ça, il fallait le mettre en tôle. Squaccini, on dirait une bande-annonce d'un film d'Olivier Marchal. Les films de l'angoisse en partenariat avec Chocotte Prod et France Inter présentent Le Fumier. Le dernier film d'Olivier Marchal avec dans le rôle du flic Daniel Auteuil et dans le rôle du fumier une bête. Bon messieurs, qui a fait le coup? On sait qui a fait le coup. C'est qui, chef? C'est Squaccini. Oh putain. On va aller le choper demain matin, il est en planque chez un animateur vedette de la télé. Drucker? Pire. Pire que Drucker ? Bien pire. Nagui ? Bingo ! Il est planqué chez l'Égyptien. Attention, il est dangereux, Squarcini. La dernière fois que j'ai essayé de l'arrêter, j'étais en short, il m'a arraché une jambe. La fois d'avant, j'avais pas de lunettes, il m'a bouffé un œil. Alors un conseil, mettez un slip. Ok, chef. Opération réussie. Squarcini est en prison, en garde à vue. Va-t-il livrer tous ses secrets ? Squarcini ? Je me suis toujours demandé comment un mec flic à la base comme toi pouvait devenir une ordure pareille. Qu'est-ce qui t'a appris tous ces coups tordus ? La Charles Pasqua. J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Et toutes les saloperies que tu fais pour le compte de qui, Squarcini ? La Sarkozy. Tu as des complices ? Le Balkany, Nagui, Kadhafi, Morandini. Putain ! Les quatre fantastiques ! Monde de merde ! Ouh, c'est du lourd. Comme on dit en vocabulaire policier scientifique, ça va chier dans le ventilo. Comment tout cela va-t-il finir ? Est-ce que Squarcini va témoigner au procès de Big Bang Lyon ? Est-ce que comme dans tous les bons films d'Olivier Marshall, qui se respecte, Daniel Auteuil va boire une bouteille de whisky, éclater la gueule d'un voyou au fusil à pompe et finir en sautant par la fenêtre du 23e étage d'une tour de banlieue en atterrissant sur la tête d'une adolescente droguée enceinte de son père ? Vous le saurez en allant voir Le Fumier, le dernier film d'Olivier Marshall avec Daniel Auteuil, un film coup de poing qui dit toute la vérité sur l'affaire Squarcini. Oui. Bravo. Bravo. Vous savez quoi ? J'irai le voir. Et un grand merci à Daniel Auteuil qui a joué le jeu. Et un bravo. Et à Richard Lornac qui nous a accompagnés. La bande des deux Daniel, on peut faire du bruit quand même. Et pour Daniel Auteuil. Et pour Daniel Morin, et la mise en onde de Richard Lornac, en effet. Mais je ne suis pas sûr, moi, d'aller voir ce film. Quels sont les projets qui vous sont tendus, proposés en ce moment, Pauline ? Est-ce que, à partir du 2 janvier, vous êtes libre, vous dites, je vais me reposer, je pars en vacances ? Ah bah non, on part en tournée ! Immédiatement, tout de suite après 10 jours après, je crois, le d'accord. 11 ou 15 janvier, je crois. Ah, le cri du cœur. Non, on ne peut pas me reposer. Pas de vacances, pas de Noël, pas de jour de l'an. Non, mais j'ai hâte d'ailleurs de passer Noël, le soir de Noël sur scène. Je pense que ça doit être un soir assez particulier. Ouais, je jouerai en Père Noël. Mon Dieu. C'est vrai ? Non. Elle est bien pour le rôle. Elle est fan, elle est complètement fan. J'ai un problème là-dessus, il faut que je le travaille. Je suis trop fan de Daniel. Des scénarios vous sont proposés, des projets en 2017, que se passe-t-il, Daniel, Pauline ? Oui, je vais tourner avec Attal. Yvan Attal ? Oui, avec Yvan Attal. Je vais faire un film qui s'appelle le Brio, là, dans les mois qui viennent. Mais ça, vous pouvez le faire en parallèle avec le théâtre ? Je vais essayer. D'accord. Vous serez également à l'affiche de Confession ? Ça, vous l'avez déjà tourné ? Ah oui, je l'ai tourné déjà. Oui, c'est vrai, je l'ai tourné. C'est Roberto Ando qui réalise ce film. Quel est votre personnage ? Je fais le... c'est un rôle de composition. Je fais le... Je joue le patron du... C'est marqué le truc, parce que je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais pas ce que vous faites. J'ai simplement le fait que le film met en scène un mystérieux moine italien invité à une réunion du G8 par le directeur du Fonds monétaire international. Voilà, je joue le directeur du Fonds monétaire. Je joue Strauss-Kahn. Ouais. Et vous faites confesser en privé par ce moine. Non, c'est pas lui que je joue. C'est pas du tout. Je joue ce personnage-là, voilà. Et il y a un mort. Et c'est moi. Mais faut pas le dire. Merci. J'irai le voir. Pauline, des projets cinéma aussi ? Oui, des projets. Après, rien à annoncer particulier. D'accord. Particulier. C'est une phrase de la pièce que je déteste. D'ailleurs, je fais plein de choses. J'aimerais être comédienne. J'ai des projets. Je déteste dire cette phrase dans la pièce. Mais voilà, je la dis. Bon, dans la vie aussi. Ok, d'accord. On redit. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudali, spécialement pour vous, Pauline et Daniel. Pauline, Daniel, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, c'est notre bouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, et on commence par un son pour vous, Daniel. Godspell, les années 80, Def qui chante, Les cadeaux merveilleux, les cadeaux merveilleux, c'est le titre, voilà. Vous avez joué dans cette comédie musicale, Daniel. C'était en 72, il y avait donc Dave, vous venez de le dire, Armand Altaï également. C'était une adaptation pour la version française par Pierre Delanoë et Bernard Jiquel. Mmh. Et ça a été un succès. Ça a été, oui, oui, ça a été un énorme succès. Ça s'est joué. Tu chantais ? Je chantais, bien sûr. Ça s'est joué pendant 2 ans au théâtre de la Porte Saint-Martin. Merci. Ouais. Mais chantais vachement bien. C'était, hein, Nina Fazo qui faisait, ouais, la mise en, ouais, scène. C'est ça, voilà. C'est ça. Et l'autre jour, je suis. Non, c'est pas une blague. Alors, pardon, je vous interromps, Daniel, parce que je viens de dire, il chantait super bien. Et Pauline me regarde, genre, hey, tu te pas fous du tout. Non, je me disais, oh, Nagui aussi est fan de Daniel. On se comprend. Clairement fan de Daniel. Mais l'une de mes premières émissions de télévision, j'avais reçu Daniel, chanteur, sur Stop et que la vie me pardonne. Oui, c'est ça. Oui, ça avait bien marché. Il vous reste un disque. Des images ? J'ai des images. Ouais. J'ai des images. Oui, oui, je t'amènerai le disque. Bah justement, il y a deux disques que vous avez enregistrés. C'était en 85. Où elle est ? Tu m'as largué, Florence. Et ça, c'est moi qui ai écrit le texte. Il fallait pas. Si. Et comment vous vous sentez quand vous chantez ? Est-ce que c'est un vrai plaisir ? C'est une angoisse ? Comment est-ce qu'on peut comparer ça au jeu d'acteur ? Sur scène. Si vous voulez, mes parents, mes grands-parents, toute ma famille étaient des chanteurs d'opéra. Moi, je me sentais davantage attiré par l'art dramatique que par le chant, parce que je trouvais que l'opéra, je me sentais pas fait pour l'opéra. Mais chanter, ça a été quand même un truc. D'une certaine façon, c'est le premier métier que je souhaitais faire. Je voulais être chanteur. Et on s'aperçoit que beaucoup d'acteurs sont devenus chanteurs. Non, mais il a raison. On dit interprétation aussi bien pour un comédien que pour un chanteur. Est-ce que le travail est le même à votre avis ? Alors, c'est autre chose, mais à partir du moment où on est sur une scène, c'est le même métier effectivement, voilà. Et une comédie musicale aujourd'hui, par exemple, on vous propose un super projet. Est-ce que vous vous sentez d'y aller ? Je pense que, mais il faudrait qu'il soit super, hein, le projet. Non, mais il est super, le projet. Que s'il met en scène. Non, pas que s'il met en scène. Non, non, effectivement. Si on proposait une comédie musicale, mais vraiment top, ouais, j'irais, ouais. Voilà, wow. Parfait. Un son à présent pour vous, Pauline, on reste en musique. Wise men say. Plastic Bertrand. On est fous, je C'est votre idole, Pauline, parce qu'il n'y a pas que Daniel Auteuil dans votre vie. Oui, il y a eu un homme avant Daniel dans mon fan club. Il y a le King, ouais. Elvis Presley. Vous êtes totalement raide à tel point que je suis allée visiter sa maison, je me suis fait tatouer Elvis sur le pelvis. Non, j'ai le grand rêve, c'est qu'il est mort avant même que j'existe, en fait, en 77. Moi, j'étais même pas encore née, donc c'est vrai que c'est resté. Ce qui est bien, c'est que je peux pas être déçue, quoi. Toute sa carrière existe déjà, il va pas faire de sales trucs, soutenir de sales personnes et tout. Et mais c'est vrai que c'est ça fait partie. On sait déjà qu'il était, voilà, comment il a terminé. Et je suis allée visiter, Graceland, ouais, et pas que ça. Je suis allée visiter Graceland en solo, ouais. C'était très déprimant, c'était ma crise de la trentaine et j'ai pleuré dans Graceland, c'était dément. Je me suis fait un voyage initiatique, quoi. Ouais, vraiment. Un petit peu, on peut partager le plaisir d'aller à Graceland et d'être vraiment, de dire je suis dans la maison d'Elvis, dans sa cuisine où il y a de la moquette. Chelou, la moquette dans la cuisine, ouais, alors qu'il mangeait quand même pas mal de trucs frits. De graillons. C'est beaucoup de surprises en cette maison. Et du carrelage dans la chambre. On peut pas visiter sa chambre, on peut visiter la cuisine. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez, dans vos goûts, je sais pas, le côté grosse moto américaine, des blousons à la Elvis? Au départ, je suis vraiment tombée amoureuse d'Elvis Presley en voyant ses photos dans mon premier album que j'ai acheté quand j'avais, je sais plus, 12 ans. Vraiment, je l'ai trouvé. Le beau gosse. Ouais, je l'ai trouvé, un coup de foudre. Bon, c'est con, il était mort, mais depuis longtemps, mais vraiment ce truc-là. Et c'est vrai que depuis, les motards, les blousons noirs, tout ça. Tout ça, quoi. Toute la mythologie du rock'n'roll. Jean-Luc Lahaye. Plutôt Johnny Cash, mais mort aussi, merde. Mais Jean-Luc Lahaye aussi. Artistiquement. Ah oui, clairement. Et pour finir, juste un conseil culture, comme tous les jours, avec un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Pauline, c'est Jim Fergus, La vengeance des mères. C'est la suite d'un best-seller, c'est 1000 femmes blanches, en fait. Et j'ai pensé à vous parce qu'on parle de femmes qui sont envoyées chez des Indiens. On est dans l'Amérique en 1875 et qui sont contraintes, toutes ces femmes, de se marier avec des Indiens. Et certaines d'entre elles, à la fin, décident de rester malheureuses. malgré tout avec les Indiens, et elles sont dans une forme de combat, un peu comme Calamity Jane, et ça a été un best-seller, ça c'est la suite. Et c'est à Cherche Midi, voilà, pour l'édition, et un petit dernier pour vous. Il est gros, hein, le mien. Oui, il est gros. On parle du livre. Auteuil pour vous, je suis ravie de vous offrir Joséphine Baker, la bande dessinée chez Casterman de Cattel et Bokeh. Comme vous aimez la musique, le musical. Je l'ai vu sur scène à Bobino, son dernier récital. Quelle chanceuse. C'est ça la différence entre Pauline et Daniel, c'est que Pauline est née après la mort d'Elvis et que Daniel a vu Joséphine Baker sur scène. Oui, c'est ça, mais elle était très vieille. Très jeune. Oui. Et dans cette bande dessinée qui retrace tout l'itinéraire de Joséphine Baker, alors on connaît cette danseuse avec ceinture de banane autour de la taille, mais elle était quand même bien plus que ça, engagée dans la lutte contre la ségrégation raciale. Elle a adopté beaucoup d'enfants. Elle était vraiment quelqu'un de très engagé en tant que femme au quotidien. Et c'est un vrai succès, cette bande dessinée, parce que réussir à faire danser Joséphine Baker et à l'animer par du dessin a priori figé, ben voilà, c'est Cattel et Bokeh. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Voilà, merci, c'est chez Casterman. Merci, Leïla Kadour-Boudadi. J'aime beaucoup vos goûts musicaux, en fait. Votre bande originale, Pauline. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup. La voix d'Elvis, c'est vrai. Ouais. Comment ne pas craquer. C'est pas ma préférée, on l'a tellement entendue, mais c'est quoi, vrai alors, que... C'est Suspicious Mind, c'est... Ouais, il y en a. En fait, j'en ai beaucoup des préférés, ça dépend des humeurs, mais il y a un truc, enfin, je sais pas. Mais ne lancez pas sur Elvis, Elle est amoureuse, donc. Elle était amoureuse d'Elvis. Autre amour dans la vie de Pauline. C'est déjà 10h, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Derrière la porte, j'entends la ville qui bouge. Vous aimez? Je connais par cœur son type, c'est lui. Ouais, c'est cool. C'est cool, ce ton. Quand elle fait fort et que les pluies bloquent dans. Je le reconnais pas. Ah bah écoutez. Dehors, je vais juste voir comment ça se passe. Des fois que ce soir, ça c'est pas comme hier soir. Me coince au bar devant une bière fadasse. Alors, qui est-ce que je... Attendez, le refrain, ça va. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ça va vraiment en solitude. Non. Et que la vie me pardonne, si je ne sais pas toujours comment la vie. Non, je ne reconnais pas. Bah, tu étais Daniel Auteuil. Oui, si, mais bien sûr. Allez, écoutons Daniel Auteuil. Non, c'est bon. Tu étais de lui pourtant. Tu aurais dû l'écouter. C'était en 85, t'avais quel âge? 77, 85. Alors officiellement pas né, parce que dans la pièce je suis un peu plus jeune que dans la vie. Donc on va pas totalement spoiler mon vrai âge. Ah oui. Stop et que la vie me pardonne. Ah, génial. Tu vois, voilà, c'est tout. Merci. Mais non, le plaisir, le plaisir. Daniel Auteuil avec Pauline Lefebvre sont au Théâtre de Paris tous les soirs à partir de ce vendredi 30 septembre et ce jusqu'au 1er janvier inclus. Il va falloir se dépêcher de réserver des places parce que même si le théâtre est grand, 1200 places, il y a du monde au guichet et bravo pour ce succès. Saluons donc Isabelle Gélinas aussi et François-Éric Gendron qui ont le mérite de partager cette scène avec vous. Ça ne doit pas être facile tous les soirs. Vous faites des pièges de temps en temps. Oui. C'est vrai? Ah oui, quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne change pas. Il avec louche le temps. Parfois. Si vous voulez, c'est les conneries qu'on peut faire que ça se joue. Donc les gens, on leur balance nos pensées, mais à eux, effectivement, on se fait des farces. Et le principe, c'est de les faire craquer. Et c'est vous le sale gosse? J'ai l'impression. Mais nous, on n'ose pas trop. Non, t'es gentil, on se fait engueuler sinon. Parce que je les engueule. Il n'y a que moi qui aidera. C'est comme ici, hein, c'est marrant. Voici la cascade de questions, des questions courtes et des réponses courtes. On commence par Leïla. Daniel, le premier film que vous ayez vu au cinéma? C'était un film sur les martiens. Pierre-Emmanuel Barré. Oui, Pauline, vous êtes née un 21 mars comme Xavier Bertrand Ayrton Senna et comme la journée mondiale de la trisomie 21. Est-ce que vous diriez que vous avez eu de la chance? Tom Villa. Daniel Auteuil, ça vous arrive d'avoir deux chaussures différentes parfois? Oui, aujourd'hui. J'étais pressé, je me suis trompé, j'ai deux chaussures différentes. Mais elles sont de la même couleur. Ouais. Et moi, je le trouve très chic. Daniel Morin. Pauline, où est-ce que vous aimeriez vivre, idéalement? Je sais pas, à Memphis, tiens. Tennessee, direct. Ouais, Tennessee. Pierre-Emmanuel Barré. Oui, Daniel, vous avez refusé le premier rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis et le premier rôle dans Intouchable. Vous n'aimez pas l'argent? Alors, je pense que c'est quelque chose. Je ne pouvais pas les faire, les films. J'étais pris déjà, mais j'ai pas refusé. Leïla. Pauline, un groupe vivant à voir sur scène. Non mais ça me demande un effort. Et Dandy Warhol tant qu'à faire. Ouais. Ah oui, Dandy Warhol, qui était venu ici dans cette émission et le chanteur avait totalement craqué sur Michel Faux. Mais craqué. Mais ils sont ensemble maintenant. Mais craqué, c'est-à-dire qu'il a, il y avait un jeu de séduction. Il a un petit côté rockstar, Michel aussi. Et Michel était très gêné, donc c'était extrêmement drôle parce que le mec avec tous ses clous. I know you, I want you. Il a eu peur, Michel. On l'a accompagné vers la sortie. Tom Villa. Pauline, ça vous arrive d'avoir des trucs dépareillés, vous ou pas? Non, ça va. Non, que j'ai que des chaussettes noires Artingo à 4,50. J'ai les mêmes. Daniel Morin. Daniel François Cluzet a dit que pendant un moment dans sa carrière, on lui proposait tous les rôles que vous aviez refusés. Vous estimez qu'il vous doit de l'argent? Un taxo. Leïla. Est-ce que vous avez un projet, Daniel, en tant que réalisateur? Oui, oui, oui. Ah. Mais on ne peut pas en parler maintenant. Vous savez comment est-ce que vous cherchez des comédiens? Est-ce que c'est un film de genre? Est-ce que c'est un... Ce sera une comédie légère. D'accord. Merci. Merci à vous. Daniel, des excuses à présenter. Désolé pour la mémoire de Coco Chanel qui a été légèrement souillée par Daniel Auteuil qui l'a confondu avec Calamity Jane. En même temps, quand on voit ses choix de cravate, on n'est pas surpris. Désolé pour tous les beaux gosses nostalgiques de la petite moustache carrée qui ont été choqués d'être comparés à Carla Bruni. Ah, je sais, c'est violent, mais c'était une demande de Nagui. Désolé pour tous les invités à la prochaine boum de Daniel Auteuil. Je crains que le niveau ambiance, ça coince. Hein. Ah mais c'est sûr que là, pour faire la fête... Et enfin, désolé pour Nagui. Oui, Nagui n'arrive plus à masquer ses émotions libidineuses quand il s'adresse aux femmes. Exemple, quand il s'est trahi tout à l'heure avec Pauline. Quels sont les projets qui vous sont tendus? Tendu. Oh là là, Nagui, vous êtes vraiment le dernier des salopards. Je vais en parler à votre femme, moi, vous allez voir. T'as pas un projet, toi? Non, tu proposes, c'est vrai, tu proposes d'abord. Merci, Pauline Lefebvre. Merci, Daniel Auteuil. Merci, c'est un plaisir merci de recevoir. Et je vais, moi, retourner voir l'envers du décor, parce que je serais curieux. Il n'a pas compris la première fois. Isabelle Gélinas aussi. Isabelle aime beaucoup. Et puis de l'évolution aussi de ce que vous avez vous-même apporté à cette mise en scène, parce que je rappelle que Daniel Auteuil fait la mise en scène de ce texte signé Florian Zeller au Théâtre de Paris. À 4 secondes près, on est à l'heure, Philippe Bertrand. Oui, c'est parfait. Ouais, alors aujourd'hui, hein, vous m'épatez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je cherche un jeu de mots avec m'épater, ouais, mais non. Mais non, il y en a pas. M'épater de campagne, peut-être les carnets de campagne, si tu veux. Je ne sais pas. Oh, Philippe. Non, mais je trouve que Pauline Lefebvre a de la chance avec Elvis Presley, parce qu'à dos, moi j'ai flashé sur Marilyn Monroe, je peux vous dire, il n'y a rien à visiter. Ok. Ou pleurer dans les chutes du Niagara, mais je pense que ça vaut le coup. Non, peut-être passer sur les bouches de métro à New York. Ouais, c'est ça. Je sais pas. On enchaîne. Oui. Bonne émission, Philippe. On t'ennuie, Daniel, c'est ça. Salut les amis. Il est l'heure. On en parle. Les conseillers des points rénovation infoservice, mis en place par les pouvoirs publics, peuvent vous aider pour vos projets de rénovation énergétique. On en parle dans un instant. France 2. Nina, elle va prendre soin de vous. Moi, je suis là pour vous soigner, c'est tout. Avec Anne-Lise M, la vie palpitante d'une héroïne au grand cœur. Putain, je t'aime, Nina. Je crois que j'ai jamais cessé de t'aimer. Quoi, moi, ça? Nina, saison 2, ce soir à 20h55 sur France 2. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Comme cela nous arrive au gré des événements ou des rencontres, nous allons mettre l'Alsace et le Haut-Rhin entre parenthèses aujourd'hui pour nous arrêter sur une histoire qui mérite d'être rapportée, celle de Paul et Hélène Jourde. Paul Jourde, né en 1907, va hériter au décès de son père d'un domaine exceptionnel dans le Morbihan,